À chaque moment de notre vie, nous avons des choix à effectuer. Ceux-ci sont de tous ordres, futiles ou importants, engageants ou sans conséquences, urgents ou non. Ce sont nos choix qui vont générer notre destin, en plus de la part inévitable de hasard. Comment décidons-nous ? Quelle est la part préfabriquée de notre comportement et quelle est la part qui nous semble nous donner la liberté de nos choix? Comment fonctionne ce mécanisme qui va nous faire basculer vers une décision? Tout d'abord, avant la question que nous devons trancher, il y a le terrain sur lequel se joue la partie. Notre milieu culturel, notre éducation et notre propre expérience. Ensuite, il y a les circonstances où se pose la question, les conditions matérielles, les autres personnes concernées par notre choix et notre état émotionnel. Enfin, le temps qui nous est alloué pour décider. Un temps long permet de s'entourer d'avis qui pourront modérer une décision trop irrationnelle. Si nous sommes capables d'être lucides de tout ce qui précède, à quel moment notre cerveau va effectuer le choix? En donnant des priorités à certains critères? En classant les options? En cherchant à être rationnel? Ou en se laissant guider par son instinct? En retardant le plus possible le moment, pressé par une limite temporelle? Quelle part de notre inconscient va décider en se disant « je le sens plutôt comme ça » Comme dans une assemblée où plusieurs voix défendent plusieurs options, quel est le nombre d'arguments décisifs pour générer le point de basculement de la décision? Choisir, ce sera donc réussir à répondre à beaucoup de questions. Le résultat devra permettre d'assumer la décision afin de ne pas regretter les conséquences négatives de celle-ci. Se diriger dans une direction, toute intéressante qu'elle soit, ce sera aussi accepter l'abandon des choix alternatifs. Inversement, refuser de choisir, c'est ne pas supporter le deuil des autres possibles et donc rester figé dans une situation qui empêche le cours d'une vie de se dérouler, d'évoluer. Choisir, c'est vivre sa propre temporalité en acceptant le fait qu'une vie est unique dans son déroulement.